D'accord, je vois. Alors attends. Est-ce que tu me laisserais pas Ouais, non, attends, c'est trop compliqué si on commence à 10 s'attaquer au minutes rythme en même temps que la prochaine fois qu'on se note. voit? Surtout qu'on n'est pas à côté. Ça sera bien plus simple. Oh, c'est dans une semaine. Entre le 6 et le 11, on Bah aura bien si, un mais petit c'est dans mon créneau. temps. Ouais, mais j'aurais pas d'instrument. Je peux t'envoyer à la piste midi aussi, hein. Pas sûr. En fait, je m'en fous de l'instrument. Toi, t'auras la basse. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les notes et le timing. L'instrument, après, ça sera celui-là. Même si toi, t'as pas l'instrument, tu joueras avec ta basse. Je Excuse-moi. mettrai la bonne à la Oui, fin. oui, oui. Comment on peut faire? Parce que enregistrer la basse toute seule. Je pense que ça sera plus pratique en live parce que si j'ai Non, pas sinon on le fait en tous live, les hein. Moi, instruments de toute façon, derrière. effectivement, je vais pas la publier d'ici. Et puis, j'ai peur que si je te fais une proposition, en fait, tu vois, je risque de m'y attacher. Alors que si je te la fais en live, tu me dis ça tout de suite, ça me plaît pas. Pourquoi? Et puis, on peut tout de suite adapter. Ça prend 15 minutes, tu vois, parce que c'est déjà un projet fini. Il suffit juste que de te jouer le bazar, quoi. Ça aurait été un projet à moi, je l'aurais modifié sans souci, mais là, vu que c'est un truc à toi, Ouais. te faire une proposition comme ça, sans tout Ok. le Ouais, projet à côté, parce que là, t'enregistrer c'est des un lignes de basse, je peu. peux t'en enregistrer autant que tu veux, mais je sais même pas si ça va coller, tu vois. C'est toi qui joues? Ouais. C'est toi qui joues là? Quoi? Putain, il y a du décalage par contre, hein. Je te parle, tu me réponds 10 secondes après. Non. Ok. À tout de suite.